I have no choice. I hear your voice.

an Egyptian. Ludo in the mix. show In The Mix. Ludo In The Mix. The Mix, le vendredi à 21h et le samedi à 22h sur Sorgia FM. Yeah. In The Mix, le vendredi à 21h et le samedi à 22h sur Sorgia FM. Ludo In The Mix, le vendredi à 21h et le samedi à 22h sur Sorgia FM. 21h et le samedi à 22h sur Sorgia FM. 21h et le samedi à 22h sur Sorgia FM. 21h et le samedi à 22h sur Sorgia FM. 21h et le samedi à 22h sur Sorgia FM. I'm separated. Ludo In The Mix. Ludo In The Mix. Separate.

plus fraîche, moi. Mais qui est la plus bonne, bonne, bonne de mes copines? Ah, mes copines, ah, mes copines. Mais qui est la plus bonne, bonne, bonne de mes copines? Ah, mes copines, ah, mes copines. Tu fais que bombarder, bom, bom, bombarder. Tu fais que bombarder, bom, bom, bombarder. Tu veux la plus bonne, moi. La plus bonne. Tu veux la plus fraîche, moi. Bikinis and they made it hummus. The party's on, so they're heading downtown. Everybody's looking for a come up, and they wanna know what you're about. Me in the middle with the one I love, and we're just trying to figure everything out. We don't fit in well, 'cause we are just ourselves. I could use some help getting out of this conversation. Yeah, you look stunning, dear, so don't ask that question here. This is my beautiful people, drop top designer clothes, front row of fashion shows. What you do and who'd you know inside the world? Beautiful people, champagne and roll up nose, breathing up some broken holes, surrounded but still. Le vendredi à 21h et le samedi à 22h sur Sorgia FM. 21h et le samedi à 22h sur Sorgia FM. 21h et le samedi à 22h sur Sorgia FM. 21h et le samedi à 22h sur Sorgia FM. 21h et le samedi à 22h. Ludo in the mix. Ludo in the mix.

Ludo in the mix. Le vendredi à 21h et le samedi à 22h sur Sorgia FM. Alors la dame, ça dit quoi? Il était plus sur ses sables d'histoire. Alors la dame,

Budo in the mix. Sorgia FM. Sorgia FM. Sorgia FM. Sorgia FM. Ludo in the mix. Sorgia FM. Ludo in the mix. Lost without a trace. Under the influence of hypnosis, you continue to move in crowds of people around the world, dissolving into the night. You get lost without a trace. Just be part of the system. You are one of us. Ludo in the mix. Passez une bonne soirée, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition du Mix de Ludo. D'ici là, bonnes vacances. Faites attention à vous. Et rendez-vous vendredi et samedi prochain. Sur Sorge FM naturellement. Samedi à 22h sur Sorgia FM. 21h et le samedi à 22h sur Sorgia FM. Ludo in the mix. Sorgia FM. in the mix. Ludo. Ludo in the mix. Le vendredi à 21h et le samedi à 22h sur Sorgia FM. Sorgia FM. Ludo in the mix. Le vendredi à 21h et le samedi à 22h sur Sorgia FM.